C'est encore moi, t'as l'air choqué, tapement 5, cher ami. Lamborghini, Pagani, étrier de frein en céramique. Ton couplet, Serrachi, c'est dans la nuit que je prends racine. J'lève la tête juste pour dunker tout comme Kev Séraphine. J'oublie pas, je sais qu'avant, j'avais pas un radis. Rappelle-moi, je suis en double fil avec le prince d'Arabie. Touche-moi, je suis connu, je suis une star comme Coluche. Embrasse-moi sur le cou, ça se verra pas, je suis un carlouche. Je suis plus là, je suis haute barre. Me cherche pas, il fait trop noir, c'est trop tard. Repère-moi grâce au tic-tac, la haute marre. Me cassez pas les couilles, je veux vivre et mourir en paix. Ce jour-là, Oscar, c'est pas levé du pompier. Ouais, ton pied, c'est mon pied. Me déclare pas ta flamme, je suis un pompier. Je vais dégainer l'artillerie, pompe, glaive, tournevis. C'est des ovnis qui kick lourd. Trois avenues de Vénus pour mes bambous. La compte des caps hors catégorie. 7, ça compte à vision, te fort comme un usine. Que des aliens en série à plus de 15 années de pratique. Que des warriors à l'arrière, mais dépourvus de civis. Section tasque du disque d'or, quadraptor, niggis. Frost la prod, notorious biggie. Fall, killer qu'on les fuck. Que des dingueleurs. Criminel style, opère au Falcon, qu'on les choque. Wesh, c'est comment le WATIP. En ce moment, tu connais que des frappes de qualité. Yeah. Pas la peine de faire genre tu me connais. Laisse-moi poser dans mon coin, dans mon corner. Black M, mon sauce, mon collègue. Dis-lui poliment. Reste branché. Oh, oh, oh. Reste branché. Oh, oh, oh. Reste branché. Oh, oh, oh. Reste branché. Oh, oh, oh. Ok, Big Black, petite frappe. Il voulait que je finisse dans les petites salles, street salles. D'après 2-3 jaloux, le fric m'a, Trixma. J'ai pas changé de mandalique m'a. Qui c'est qui part? Ça fait du bruit, mais ça ne kick pas. Plus de quoi mettre le son à fond dans le King Park. J'kiffe pas. J'suis connecté que quand la 8 frappe. Vite toi, nostalgique avec des cyclades. La psychiatre, qu'est-ce que tu vas apprendre au Big Black? Dans ce rap, mon son il traîne là où les petits squads. En bas, il te dira s'il y a les flics taille. En bas. Comme dit le petit frérot Belgique, Paris c'est bandage. J'ai encore beaucoup de flow à Big Rap. Grosse frappe. Sur le terrain je fais la diff comme Ibra. Arriba, Harry, passe-moi le mic que je l'ai mitraille. Après je me tire avec ma petite wife, loin de là. Yeah. Tu me trouves moche, t'as mauvais goût. T'es une jeune fille à tous les coups. J'ai pas de nouvelles, coupe. Et je suis marié, mais elles me veulent toutes. Merde, j'ai tranché, je prépare la Black House, donc reste branché. C'est mort, je suis une icône comme Nico, Sadiaga, sans mytho, les pseudos, Nico, ça m'agace. Renoir, je veux pas qu'on m'adule, j'aime être posé dans ma bulle. Non, n'en crois pas qu'on a bu. La concurrence, on la tue, on a du style, on a du talent, poteau, on kick à la dure. Jeune, immature, paye en nature. Je serai à l'heure que le jour de mon décès. Plus le temps pour Mardi Gras, Renoir, le monde est sec. Les mecs veulent mon échec, la disparition de mon espèce. Quand on shoot, on ne loupe pas, moi je n'ai besoin que d'un essai. Pas la peine de faire genre tu me connais. Laisse-moi poser dans mon coin, dans mon corner. Bacadama, mon sauce, mon collègue. Dis-lui poliment. Reste branché. Oh, oh, oh. Reste branché. Oh, oh, oh. Reste branché. Oh, oh, oh. Reste branché. Oh, oh, oh. Je suis pas d'humeur à faire le pantin, non. Non. Renverse pas d'alcool sur mon pantalon. Non. Tu connais section d'assaut. Non. J'ai bâti les fondations. D'ailleurs, ce soir on monte en équipe. En équipe. Oui, je pense qu'on va remporter des titres. Me demande pas comment, c'est sûrement génétique. J'espère que t'as les gros, tu vas manger des kicks. Mais calme-toi, c'est pas la foire. Quand tu parles avec moi, s'il te plaît, n'élève pas la voix. J'suis au dernier étage, t'es où, j'ai du mal à te voir. Tu dis faire le poids, j't'avoue que j'ai du mal à te croire. Ne me mens pas, je t'ai vu. T'étais hanché. Yeah. Et sur le refrain, tu criais, reste branché. Moi, j'ai gardé les mêmes collègues au départ. Arrête ton cinéma, non, négro, tu me connais pas. Reste branché, le retour de la section sur l'album de Lefa. C'est dans les bacs, Monsieur Fall, une grosse semaine. Une fois de plus, grosse dédicace à Lefa et toute l'équipe qui est passée. La Nocturne, 100% rap français, avec une grosse exclue maintenant pour La Nocturne. Ça vient du sud de la France, le monsieur parle au nom de Ous. On va l'écouter maintenant. Planète Rap, 100% Explicit Lyrics. Je suis dans le four. Je suis dans le four. Maman me cherche de partout, elle sait que je suis dans le four. Elle veut pas s'admettre que son fils traîne en bas de la tour. Je suis rentré les yeux rouges, en plus de ça j'ai fait le sourd. Je suis dans le four. Je suis dans le four. Maman me cherche de partout, elle sait que je suis dans le four. Elle veut pas s'admettre que son fils traîne en bas de la tour. Je suis rentré les yeux rouges, en plus de ça j'ai fait le sourd. Je suis dans le four. Oh. garde la tête froide contre les putes et mes ennemis. J'arrive cagoulé pour faire un coup de pute à Nenny. J'ai qu'un frère, très peu d'amis. J'me roule un terre, j'me canalise. Pêcheur analyse. Ta plaque d'immatriculation quand tu viens toucher du cannabis. Ces rappeurs méritent l'euthanasie. Dédicace aux vrais. Ceux qui gravitent autour sont des parasites. Y'a des grammes de C. Y'a des grammes de C. J'suis grave encore, j'ai aucun salaire en attendant de percer. J'ai des frères, j'ai des supporters, j'ai des fanatiques. J'tourne la page, j'ai perdu des frères de manière dramatique. J'ai fait le tour du trafic. J'te donne des cours de pratique. J'suis dans le four. Maman me cherche de partout, elle sait que j'suis dans le four. Elle veut pas s'admettre que son fils traîne en bas de la tour. J'suis rentré les yeux rouges, en plus de ça j'ai fait le sourd. J'suis dans le four. J'suis dans le four. Maman me cherche de partout, elle sait que j'suis dans le four. Elle veut pas s'admettre que son fils traîne en bas de la tour. J'suis rentré les yeux rouges, en plus de ça j'ai fait le sourd. J'suis dans le four. J'suis dans le four. Y'a des 32 shit coupés à la bœuf. J'écris ça entre deux clins. Sur l'instru j'me balade. Des rappeurs on les canardeux. J'ai bu 5 verres de codéine. En écouter mes frères, mon avenir se dessine. C'est la fin du monde, on envoie les signes. On s'en bat les couilles. Du grave la résine. Pour le 12 carré mésine. Bientôt la Ferrari garée devant le palace. Princesse, tu me connais pas, tu m'appelles chérie comme les filles du Dallas. Dieu merci, par mois je prends 5 fois le salaire d'un baqueux. Je claque tout dans une location. Dans le quartier je fais des têtes à queue. Je suis dans le secteur, je dépense mes euros, je fume de la beuh. Je fais la fierté de ma ville, elle veut me sucer la queue. Je suis dans le four. Maman me cherche de partout, elle sait que je suis dans le four. Elle veut pas s'admettre que son fils traîne en bas de la tour. Je suis rentré les yeux rouges, en plus de ça j'ai fait le sourd. Je suis dans le four. Je suis dans le four. Maman me cherche de partout, elle sait que je suis dans le four. Elle veut pas s'admettre que son fils traîne en bas de la tour. Je suis rentré les yeux rouges, en plus de ça j'ai fait le sourd. Je suis dans le four. Ousse, c'est dans la nocturne. C'est 100% rap français. Ça s'appelle « Je suis dans le four ». Planète Rap. 100% rap français. Solid. Culture. SCH. J'ai fumé des kilos d'air, craché dans CO2. Traîne des problèmes, puis le CE2. Les vrais, les demi-vrais, je peux pas plaire aux deux. Une vie dans la gloire en vaut deux. Bitch, une bonne parole en vaut deux. Je sens le fric, son odeur. Le vice, son horreur. Fiji, si tu pars, est douteux. Mets le rinard dans la cour. J'ai mon père et ta semi-auto. PD, je viens du router. Trois sur le carrelage, deux sur la moto. Je suis sur la photo. Aussi vrai que mes potos. On attend rien du loto, entravé dans des roseaux. Ma crédulité bute ma raison. Y'a 3 kilowatts à mon réseau. J'vrille, j'mets le 12 dans les taux. J'le découpe un 20, demain on va se lever tôt. Sans passer dans le vito. Dérober les métaux, bitches ferme tes rideaux. Et puis j'ai pas le temps, plus petit j'ai les dents. Ouais, plus petit j'ai les dents. J'aurais jamais dû leur accorder de temps. Mais y'a des gens que je mets trop. J'fais des pas et bien j'tourne en rond. Remercie ma putain d'étoile si j'm'en tire avant. Mon air vienne et qui tire dans mon dos sans regret et sans pitié. Mais je regrette pas la vie que j'ai. Oui c'est la vie si je me fais shooter en bracelet homé. Solide, on s'arrache les trophées, meurt jeune en voiture dans la brume. Rentrer ressort ton hyper des poteaux dans des écrans de fumée. Ôter la vie, je vends mes refrais, tes refrais pour le kilo s'allume. Rien de dramatique si je me fais shooter en bracelet homé. Solide, on s'arrache les trophées, meurt jeune en voiture dans la brume. Rentrer ressort, on y perd des poteaux dans des écrans de fumée. Ôter la vie, je vois mes refrais, des refrais pour le kilo s'allumer. Rien de dramatique si je me fais shooter en bracelet homé. Jeune autonome, fais la fraîche en binôme. puis sur le banc tout l'hiver. On finit par s'enrhumer. Des portefeuilles vides pour des carrés d'or, des carrés d'or. Chrome sur chrome, papa ruiné. Bébé, si je crève, aime-moi encore et que même la mort ne nous sépare pas. Faudra viser les teutés. Ce soir, j'ai mon pare-balles. J'suis venu, j'ai fondu leur projet. J'ai reçu, j'ai rendu les crochets. Rentre dans ta maison quand t'es couché. Tout on va pas voler les fauchés. Pédale à ce phare est avec nous, j'crois qu'on pourrait soulever les rochers. On y traîne depuis petit, sans y voir le danger. On craint pas les képis, on craint revoir maman ridée. Dis-la tes maritimes, y'a mon sang sur ton rinté. J'ai compris la hagla ça paye, j'ai compris c'est chacun sa taille. Rapport ta qualité, j'ai compris c'est chacun sa paye. Elle rappera pas toi l'homme que t'es pas. T'as la tchatch ou les kebabs. La coupe ou la pure de Red. J'fais des pas et viens j'tourne en rond. Remercie ma putain d'étoile si j'm'en tire avant. Que mon air vienne et qui tire dans le vent. Dans son regret sans pitié. Mais j'regrette pas la vie. Oui c'est la vie si j'me fais shooter en bracelet homé. On s'arrache les trophées, meurt jeune en voiture dans la brume. Mais rentrer, ressort, on y perd des poteaux dans des écrans de fumée. Hôtel à vie, j'vends mes refrains, tes refrains pour le kilo s'allume. Rien de dramatique si j'me fais shooter en bracelet homé. La nocturne avec Bilal maintenant dans la nocturne et Valbuena sur Skyrock. Il est pas en feat, hein, c'est juste le nom du morceau qui s'appelle Valbuena. Bilal, nocturne 100% rap français. Fais des gros sous grosso, au lieu de toucher à toutes ces pouilles perso, je taffe ni puck ni dorso. Mon 44 me chatouille les couilles, je lève mon cul pour faire des ronds. T'as rien pour moi, merci, au revoir. La rue n'est pas faite pour tout le monde, c'est pour ça qu'on vient fêter des trottoirs. Ah, c'est la street boy, y'a ceux qui font du pif, y'a ceux qui tricotent. J'ai refusé ton fils car je fais pas les brocantes. Je crois baiser la vie à peine, tu la tripotes. Y'a ceux qui te fument, y'a ceux qui crapotent. Je tous mets les fers sur la tête de mon glock. Pareil que je suis plus même, pareil que je radote. Depuis que j'ai chalé sur la tombe de mon pote. Ils veulent que je rappe comme à l'ancienne. Un peu d'autotune, ils m'ont prêt pour Jules. Ils vont chier dessus toute une semaine. Quand ils vont se faire doigter par le genou. Ouais, c'est bientôt la fin de la trappe. Que veut devenir tous ces rappeurs? Je serais pas choqué de les voir retourner taffé pour 10 balles de l'heure. Même en été, ton effra du ski. J'attends pas décembre pour qu'il neige dans tes morceaux. Tu fais le grossiste, mais là il est temps que tu payes mon sang. Hey, je te fais tenir jusqu'à l'aube. Coke acidulé, elle me radote que l'alcool c'est de l'eau. Je lui ai répondu que le sperme c'est du lait. C'est quand je les vois accélérer que je prends le soin de ralentir. Avec du recul, je me dis hamdoulé. Ma routine pour aller divertir. Autour de moi, rien de sensé. J'ai vu le poteau se travestir. Enlève un C à succès. Tu verras comment ils ont fait pour réussir. Sincère et fidèle à mes principes. C'est peut-être parce que je suis devant toi que tu me vois plus dans le rétro. T'as rien dans le slip. La liberté d'expression fait que tu fais le fou derrière ton micro. Frimer c'est gratuit comme cette rafale en T-Max sur ton thorax. Passer moment moto. Je sors du maquis en armanu. Disparaître sur vêt, tiens ma moto. Y'a plus personne quand ça défouraille. Tous calibrés au funérail. Fordest te dira vieux, si je dois crever, laisse-moi chahed. Je m'en bats les couilles de vous dire adieu. Ah, ces fils de lâche me dégoûte. Compare pas assez à des coups. Ils se pointeront à mes rendez-vous le jour. Les poules auront des couilles. Faut pas que les prendre, faut les rendre des coups. On s'est croisés, boulevard d'avoue. Trop déterminé, fils de pute. J'en ai même fait douter ton marabout. Bon qu'à faire de l'argent crade. Le cul rempli de cela. Ils font les fous sur de la trappe. C'est que des poucaves comme Valbuena. On est de ceux qui vivent de la braque. Deal de cocaïne. J'prends tes menaces pour une bloc. Car le ridicule ne tue pas. Ré, ré, ré. On vise le crâne, pas les lombaires. Paye tes dettes, la putain de ton père. On fait ton décès avec du don père. Chez qui m'observe, ils veulent tous savoir ce qui que je baisse ou ce que je dis. Sa mère la pute, faut croire que je suis plus coté qu'un gros lard dans un club à striptease. La gloire a son temps, le succès s'achève. Je tire la chaise, si tu veux tendre. Rien ne se vend, mais tout s'achève. J'ai compris qu'il y avait rien à comprendre. Les vrais m'ont dit, c'est quand que tu perces, t'es plus fort que la putain de Satan. Tout porte à croire que j'ai baisé ce rap game, la main sur la bouche pour pas qu'on l'entende. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Le 9 dans la nocturne. C'est le 9. Ouais. Négro, crois ce que tu vois, parce que tout est faux de ce qu'ils vont te dire. Instant barbare, pour un refrain je me sacrifie. Fuck tous ceux qui les parlent, je suis juste ici pour faire du cash. Génération de baisers, on justifie que par les armes. Posé en bas du bat à faire des cales des kilogrammes. Posé au fond de la salle, on se mélange pas aux mythomanes. Trop de choses que j'ai pu faire que je devais pas en temps normal. J'ai vu trop de potes qui se sont comportés comme des femmes. Cassez-vous les mecs, le nain n'est pas d'humeur. Faut que la daronne je la mette liam gros avant qu'arrive son heure. Hey, laisse tomber en vrai, moi la vérité je m'en beurre, mais ça m'écoeure. Qu'on compare tous ces faux rappeurs, ça me saoule, c'est bon, ça y est. Je sais que ceux-là c'est des salopes, c'est le nine, c'est du sale, sale, tu sais que c'est vrai. J'ai sélectionné seulement les seuls dates, qu'on pas de limite, c'est ça les mecs. Le samedi, pose au check, sont sur le veille. Je veux beaucoup de souhaits sous le soumier, tu me souhaites que je sirote un petit soda sur mon transat sous le soleil. J'ai pas envie de m'associer à ces messieurs, c'est ton souci. Si tu te suicides à Sainte-Cécile, on s'amusera le soir même. 9e jour, MTL où je me suis formé. Négligé, pas bonne de tchèpe, 3x3, c'est le fort remarque. Je fais remarque la famille, fait le malin, on le tape bien. Banal sont les MC, ils trappent tous, c'est bon à rien. Ouais, je vais y arriver, mon équipe le sait. Celui qui nous taise finira sous nos semelles. Vide ma mère, que c'est die, négro. Le nan est sorti, il a ses balles, négro. Posé sur un thé, on gère les bails, négro. Passe-moi du wari, je te montre comment ça se gère, négro. Mes refrains sont hal, quoi qu'il arrive. Donnez-moi mon dû, que je me barre vite. Comment dire aux autres qu'ils sont mal barrés? On monte au charbon parce qu'on est mal payé. Les avants d'aujourd'hui, Renois sont mal polis, mal aimés. Et mon équipe, mais ici y'a pas de PD. J'suis dans le mouvement, négro dans le mouvement. J'suis dans le mouvement, t'es pas dans le mouvement. Dans le mouvement, négro dans le mouvement. Dans la street ou dans le game, oui, j'suis dans le mouvement. J'suis dans le mouvement, négro dans le mouvement. J'suis dans le mouvement, t'es pas dans le mouvement. Dans le mouvement, négro dans le mouvement. Dans la street ou dans le game, oui, j'suis dans le mouvement. C'est le 9. La nocturne. Vous reconnaissez les bâtards qui parlent que par intérêt. Enfoiré, tu penses une drogue. Apprends que ma vie, il est tout terrain. Qui veut la bagarre? Enfile ta tenue, mon gars, place au combat. On chipole pas, tu payes, j'en teste. Tout mon bon qui va gérer mes vêtements. Et ma ça, tu prends les mecs de la rue. Je pense de mon délai, c'est pas si t'as vu. Hein, mon ami, devant l'enfant, aïe, tu fais bouger ta vie. Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Nantes, Paris, Mbalé. Faut que les jaloux, j'y m'en va vite. À 11h, je vis ça à Barbe. Gâté, appétit, quand je veux marcher la boule à du Brésil. Imbécile, je veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gâté, appétit, gâté, appétit, appétit. Gâté, appétit, gâté, appétit, appétit. Tout ça n'est qu'éphémère, pas les couilles si je te plais pas. Me mépriser mes gars, font mes playbacks. Ça me fait bizarre quand je vois les gens danser sur la moula. Ouais, je te bec, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris du galon depuis la partie 1. Gros, j'ai pas quitté le checks, la rue, la vraie. Après, tu la connais pas la porte père. On se titulaire, que c'est moi qui le passe. Tu passes, tu parles, on sait que tu ne passes pas. J'ai plus de cellulaire quand la ligne est restreinte. Gâté, appétit, quand je veux voir, je la moula du Brésil. Imbécile, je veux voir loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gâté, appétit, gâté, appétit, appétit. Gâté, appétit, gâté, appétit, appétit. Gâté, appétit, quand je veux voir, je la moula du Brésil. Imbécile, je veux voir loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gâté, appétit, gâté, appétit, appétit. Gâté, appétit. Gâté, appétit, appétit. Gâté, appétit. Gâté, appétit. Gâté, appétit. Gâté, appétit. HD dans la nocturne 100% rap français. On va rester sur les sonorités africaines avec Dry qui nous a balancé en exclu dans Planète Rap. Un morceau qui s'appelle Vieux Père, on va l'écouter maintenant. Et puis on fera un tour aussi sur l'album de Lefa. Bougez pas, c'est la nocturne. Planète Rap sur Skyrock. DRY. Tu m'as vu dans One Shot, dans ma mélodie. J'ai fait des sons qui choquent. J'ai remis les voix sur les i. Dry ou DRY. C'est pour mes carmes, mes harbous, mes manus, mes galus qui dansent même quand Paris pète. Tu parais bête, trinque à ma santé. Ça cause de Kalashnikov et de balance de cup. Mais tout ça on a déjà chanté. Ça on a déjà chanté. Pour nous assembler. Je trouve ça pas mal, ouais, mais faudrait s'endurcir pour nous ressembler. Petit t'as grandi trop vite. Si le respect se mérite, j'ai pas typé toute ma vie. Je suis ton vieux père. Moi mon vécu fait la vie. On a désarmé le shérif. J'ai cogné pour mes gars, pas donné ce que j'avais pas. N'oublie pas que je suis ton vieux père. Vieux père. N'oublie pas qui est ton vieux père. Vieux père. Écoute ce que dit ton vieux père. Vieux père. T'es mon petit, j'suis ton vieux père. J'suis ton vieux père. Si j'suis discret, c'est que j'aime pas me ficha. Ni les mecs et meufs bizarres. Amène mon verre, fils à fissa. Casse pas les couilles, là je mets, fume ma chicha. Ma chicha, ma chicha. D'ailleurs mets du shit dans ma chicha. 9-4 criminels, hardcore, c'est nous-mêmes. J'fais partie des mecs, zéro fichal. Toujours en place. Laser mis à en classe. Ça peut me dépasser. J'suis demandé comme les vrais papiers. Ici l'amiral, sachez qu'il n'y a qu'un seul capitaine à bord. Tu veux ton jaillet petit, mais faudra me demander d'abord. Petit t'as grandi trop vite. Ici le respect se mérite. J'ai pas typé toute ma vie. Je suis ton vieux père. Moi mon vécu fait la vie. On a désarmé le shérif. J'ai cogné pour mes gars, pas donné ce que j'avais pas. N'oublie pas que je suis ton vieux père. Vieux père. N'oublie pas qui est ton vieux père. Vieux père. Écoute ce que dit ton vieux père. Vieux père. T'es mon petit, j'suis ton vieux père. J'suis ton vieux père. Vieux père, écoute ton vieux père. Le vieux père. Brave. Vieux père, écoute ton vieux père. Vieux père, non. Petit t'as grandi trop vite. J'ai pas cité toute ma vie. Je suis ton vieux père. Moi mon vécu fait la vie. J'ai cogné pour mes gars, pas donné ce que j'avais pas. N'oublie pas que je suis ton vieux père. Vieux père. N'oublie pas qui est ton vieux père. Vieux père. Écoute ce que dit ton vieux père. Vieux père. T'es mon petit, j'suis ton vieux père. J'suis ton vieux père. La nocturne. Dernier des derniers. Petit pas, dernier des derniers. Petit pas. Localisé, on t'a localisé. On va te traumatiser. Pas l'habitude de rater quand nous t'a visé. Petit pas synchronisé. Petit pas sans alcooliser. Petit pas sur sol mouillé. Dernier soulier pour pas glisser. Dernier arrêt, dernier des derniers. Donc fais marche arrière. Descends sinon c'est la fin de ta carrière. C'est la fin de ta carrière. Descends. Dernier arrêt, dernier des derniers. Donc fais marche arrière. Descends sinon c'est la fin de ta carrière. Quitte-la. C'est la fin de ta carrière. Arrête un peu de panique et respire. Prends ta place sans dire merci. Fais-nous voir ce que tu vaux. Montre-nous ce que tu proposes. Ou descends. Descends. Descends. Descends. Descends. Descends. Dernier arrêt. Donc descends. Descends. Descends. Quitte-la. Tu ne peux pas tenir. Dernier arrêt. Dernier. Si tu n'es pas prêt pour ça, descends. C'est le moment, c'est la baignance. Enchanté, je suis de bonne humeur. Ce soir, j'ai pas le temps pour les rumeurs. tes peurs. J'ai le dernier feu, les dernières sapes. En vérité, je suis le dernier gars. On me voit casser le dernier pas. Regarde-moi, c'était ta dernière fois. Arrête un peu de panique et respire. Prends ta place sans dire merci. Fais-nous voir ce que tu vaux. Montre-nous ce que tu proposes. Tout descend, descend, descend, descend, descend. Les derniers arrêts, donc descend, descend, descend. On est organisé, casalisé, chemisier, oui la coupe est égalisée. Oui monsieur, petit pas synchronisé, petit pas sans alcooliser, petit pas, tout en douceur comme si c'était légalisé. Dernier arrêt, dernier des derniers, donc fais pas d'erreur. Si tu n'es pas prêt, ressors par derrière. Vite là, petit pas, petit pas. Dernier arrêt, le dernier. Si tu n'es pas prêt pour ça, descend. Dernier arrêt, le dernier des derniers. Tu n'es pas prêt pour ça, descend. Pas prêt pour ça, des ans. Dernier des derniers. Petit pas, petit pas. Dernier arrêt. Des derniers des derniers. C'est sur l'album petit de Lefa. Petit pas. Avec Abou de Bang. Dernier des derniers. Dadjo, Shinsekai. Petit pas, petit pas. Nous on est go. Dernier des derniers. Si des pas prêt pour ça, des ans. C'est la nocturne, c'est 100% rap français. On va écouter H Magnum, Yoro Ciel, Alpha One avec lunettes noires. Il y aura du son de Dino Spenchlenovic. Jarod aussi. Et plein d'autres nouveautés dans la nocturne 100% rap français. La planète rap. Nocturne. Sur Skyrock. Nocturne. Stan E. Music. Noir Matlombo. Plus armé que Rambo. Je ne côtoie que des nambos. L'argent ne fait pas le bonheur, mais Rambo. Ce n'est pas le sens de l'humour comme Django. Ashley O'Messi. Tu sais de eux que non merci. Viens dans mon check sur le Mexique. Je mets quantier comme merci. Même si j'ai fait du sale, bref, la lave merci. On n'a pas le choix, Ico. Le monde appartient au gringo. On a que nos rêves, alors gratte un bingo. Ferrari F430 VS Twingo. Quand on n'a pas fait médecine. Obligé, on va braquer nos rêves. On va braquer nos rêves. Obligé, on va braquer nos rêves, on va braquer nos rêves. Obligé, on va braquer nos rêves, on va braquer nos rêves. Obligé, on va braquer nos rêves, on va braquer nos rêves. Jusqu'à ce qu'on nous élimine. J'vois le monde en slow-mo. J'commence ma promo. Futuristique comme chrono. Ça c'est l'apéritif, oh no. Igo lit bien la notice. C'est écrit que je suis nocif. Vous faire mal c'est ce qui me motive. Je suis imprévisible comme un autiste. Miracle. J'attends pas le miracle. Oui je suis de terre comme un mirage. Toujours les mêmes qui se pavanent en Panamera. Obligé, on va braquer nos rêves. On va braquer nos rêves. Qu'on nous élimine. On va braquer nos rêves. Nous on n'oubliera pas nos rêves. Au pire des cas y'a le truc qu'on aura. Toujours été le mauvais élève. On veut croquer la vie à plein de molaires. Mira. J'suis bousé comme en Irak. Nique-les tous t'es loin c'est ce que m'a dit Mourad. Faudrait du love et de l'or pour calmer nos rages. Obligé, on va braquer nos rêves, on va braquer nos rêves. Obligé, on va braquer nos rêves, on va braquer nos rêves. Car nos cœurs sont vides. Obligé, on va braquer nos rêves, on va braquer nos rêves. On a besoin de soleil.

Bang bang, j'ai allumé tout le monde, t'es un fils de. Tu sais bien qu'on t'a démasqué, va le dire à ton monument. Il dira que tu es un vrai, un mois de fucking bulldozer. Il va se mettre à Mozart. J'ai le mort tous les jours et je pense à comment faire plus d'oseille. Je vais taper les beaux-arts, mon gars va c'est Paris 19. Mets les watts, quand t'es posé sur le terrain y'a plus de stuff. Mets les voiles, tu veux faire des thunes dans le rap mais voilà ref. T'as du mal dans les clips qu'un gars va, je veux pas la meuf, je veux la maille. J'ai connu la rue, l'hôtel, les potes qui t'écalent. J'ai de moins en moins d'amis, ok, y'en a plus pour WAP. Tu connais pas ma vie, ni mes envies, ni mes inimitiés. T'es tombé sur un os, donc baf, je fais des gosses dans le dos de la raclée à Sarko. Y'a des amants sur VT, des zoulons en Starco. Elle ressemble à un fruit de mer, va le dire à ta pinko. Elle a mis trop de fond de teint, se prend pour Sophie Marceau. Uriana, Uriano, Uriano ou Cyrano. Hein. Mon ami Rionon, j'ai un ami dans le froc, prends ma L dans le torse. Prends la fuite en escorte, j'ai besoin de votre force. J'fais un janky dama quand les choses se corsent. J'suis ton sensei, ça m'a j'fais un show Crazy Horse. Y'a le démon, y'a le feu, gava que des grosses commandes dans le pilon, dans le feu. Dans la bave, dans la S, mon gava. Fin de la danse, ouais, j'suis arrivé dans le jeu. T'es un fils de lièvre, t'as voulu me rot, cache patiente. On va de vélo à deux pas à 160. Ramène-lui de la peufra, elle est trop stressante. Y'a des ondes de pookie sur la bande passante. J'tiens le terrain, j'me fais péter, j'fais du star, j'm'en sors. Pépère, j'mets un t-shirt d'ACDC, j'tire en coupé sport. Vos mères, j'vais enculer le meilleur si c'est pas moi. Il va refuser le tête, j'mets un billet vert. C'est pour tous mes jeunes boss, la SS te guette. T'as fait le zoulou en soir et j'ai fait briller le verre. On est bon? Rick, t'as mets moi un autotune, s'il te plaît. Tu connais les bails, ma gueule, on est jamais de faille, ma gueule. Dédicace à vous, snare, ma gueule. Caméléon bientôt dans les bacs, ma gueule. T'es toujours branché sur Sneakers Radio. Check ça, enfoiré. Soixante-quinze, la putain de tasse, on fait les bails. Marche seul, peu de sécurité à Panine. J'suis pas ton père, viens pas me raconter ta putain de life. Ça veut des putains de sommes, rien à foutre des putains de lights. Fuck un putain de pote, il te laisse toujours en galère. J'mange que les miettes qui m'appartiennent, fuck un putain de salaire. Qu'est-ce que tu veux de plus, mets les watts 7-5 fois qu'on va titiller les systèmes. On arrive dans le sous, protège tes fesses, on chope pour un délit, tu connais le thème. J'suis dans le game, les salopes même, viens au concert, et se mettre belle. J'ai des putains à faire taire, j'suis un criminel. Si tu veux des taf propres et en espèce, j'espère qu'ils n'ont pas les codes. Fais les cartes, j'vais les refiler, mon ami, tu connais, demande à Books, délai. Ça va mal, marre de voir que des femmes à poil. Fuck ces jeunes qui n'ont pas la dalle, on F, tu caches à la dawala. On pose nos couilles depuis le premier 16. Paye les cons avec l'argent sale, des cas du buzz, tu ramènes ta fraise. Vas-y, roule mon ouest, qu'on s'enfume l'eau, ça. J'suis avec vous, snare. On appelle DSP, y'a un corps par terre. Parle plus de respect, j'suis à Paris, n'arrive pas la mer. Non, tu vas pas me soulever. On a moi 12V. 75, la putain de tarasse, on fait les bails. 75, la putain de tasse, on fait les bails. C'est le 75, la putain de tasse, on fait les bails. Bye. Ah. Tu peux enlever l'autotune, boy boy. Toujours là, indépendant, jusqu'à la mort. Hein? On m'a dit barre-toi, ou sinon consomme. Je compte sur personne, à part mes consonnes. Mets ton CD dans le poste à fond que je fasse un bon somme. Yeah. On m'a dit barre-toi, ou sinon consomme. J'compte sur personne, à part mes consonnes. Mets ton CD dans le poste à fond que je fasse un bon somme. Tu t'es mis tout seul dans la merde, tu veux que je te console. La putain de ta race, je veux Gamos Palace. Bamos, madame, je vais pas te faire un gosse banal. Bolos, cavale, j'arrote ta rose, caray. Si les keufs barreaux dans moins d'aveux, je m'arrache. J'suis dans un game de dingue. J'te sers la pince, mais tu mérites un coup de flingue. J'pourrais déchirer tes fringues en un coup de flow. Y'en a qui pour avoir trahi son faible à la tout le dos. C'est pour mes revendoles, donc j'place un gros big up à Davro. J'aime pas les coups de pute, j'préfère même un uppercut suivi d'un salto. 7-5, on arrive, on fait mal. À chaque cesse, des mecs trains qui partent avec des marques. J'parle peu, tu veux me stopper, bute moi. Va mettre des coups de caveux à ton équipe de l'info, j'suis pas ta pute moi. J'suis pas ta pute moi. Yeah, yeah. J'ai grandi dans le périmètre avec une seule idée en tête. Rester réglo qui t'a craché sur des pépettes. Protège ton dos si tu pactises avec des traîtres. On se lève, on crève, alors ferme la quand on te pète. Marche comme un homme. Marche comme un homme. Marche comme un homme. Marche comme un homme.

si t'entends mon son, j'espère que tu bouges la tête. Guéris la merde, mon pote qui a le cancer et celle de toute la terre. J'ai peur du sort que tu me réserves et ça s'entend. Pas besoin de m'ouvrir les veines et dire buvez, ceci est mon sang d'encre. On s'entend, hein. J'suis qu'un homme comme Jésus, j'suis qu'un homme comme Mohamed, moi. J'suis qu'un homme comme Moïse, j'suis qu'un homme comme moi-même. Alors pardonne nos péchés et prends soin de nos mères, nos sœurs, nos pères, nos frères et prends soin de toi-même. Mes péchés au cimetière, mes erreurs au cimetière, mes regrets au cimetière et ma colère au cimetière. J'suis pas sûr du paradis alors que dois-je penser de l'enfer. Comment peut-il nous voir, on est 7 milliards sur terre. Mais maman disait que le ciel nous voit, le ciel nous voit. Maman disait que le ciel nous voit, le ciel nous voit. Oh non, le ciel nous voit, le ciel nous voit. Maman disait que le ciel nous voit, le ciel nous voit. Mais que le ciel nous pardonne. Dino Punchline Obey. Le morceau s'appelle Le Ciel dans la Nocturne 100% rap français. Que le ciel nous pardonne. Que le ciel nous pardonne. Yo, Jules. Planète Rap, la Nocturne. Phénomène business, Tio dans la Nocturne. Yo, depuis le départ, tous mes négros veulent devenir les first. C'est parce que le monde nous montra son amour avec des injures et beaucoup de coups de bluff. J'ai juré de sortir les miens d'ici, là où les disciples d'Iblis ont fait faner les fleurs. Et le monde m'a montré que la vie d'artiste comporte pas mal de risques quand le vice des fleurs. Béni soit les nôtres, que la prospère one day. Béni soit les vôtres, soyez prospères always. Ouais, la comédie KS, la buena vida, la victoire est neuve, que l'échec soit pendu comme au Koweït. La poisse collée au bas, qu'on la connaît. Même si les coups sont bas, la vie n'est pas si moche. Fasciné par des prestataires du désir qui vous adultent à faux plaisir, ce n'est que du cinoche. La parole aura soufflé, la puce la ila l'osa. La miséria est stadio de confiantati. Par les faux qui gravitent autour de moi comme un satellite aérien de la NASA. Pas la peine d'avoir du clair pour sentir dans la rue, ça pue la demeure comme un coma Gaza. Fais la part des choses depuis 2000 comme il est mort, ramener de la fraîche à la casa. Fallait bien charbonner pour du bif pendant que l'état nous fisse dans ma galaxie, c'est le bazar. Check, c'est la guerre du taulard, c'est le nerf qui nous fait devenir des petits taulards. M'animal les mots, balis pas les potes dans le bar, y a plus de balles qu'il en faut pour alimenter plus d'un polar. Non, n'écoute pas Nicolas, prestataire de la défaite en passant par le vice. Éprouvé par les putains qui tentent de nous couler sans cesse en foutant des bâtons dans le pisse. La parole va sembler la piste, la ila l'osa. La miséria est stadio de confiantatio. Et nous la luz muelero de la vida l'osa. La Nocturne. On a appris demi à penser, mais pas sur les autres. Mais pas sur les autres. Demi-portion dans la Nocturne. Yo, yo, je n'ai pas voulu faire ci. Je n'ai pas voulu faire ça. Je n'ai pas voulu faire ci, mais dis-moi qui m'aurait laissé le choix. Je n'ai pas voulu faire ci. Je n'ai pas voulu faire ça. Je n'ai pas voulu faire signer, dis-moi qui je n'ai pas voulu faire la gueule, mais bon, fallait faire un choix. Je n'ai pas voulu faire erreur, mais bon, fallait le faire une fois. Je n'ai pas voulu faire juste quoi, écrire simplement. Je n'ai pas voulu, tu sais quoi, niveau aucun jugement. Je n'ai pas voulu faire de mal si peu nourri par le bien. Je n'ai pas voulu faire scandale, vu qu'on m'a dit marche ou crève. Je n'ai pas voulu faire de grève, ni victime involontaire. Ni jouer sur les couleurs, on l'est déjà tapé au poker. Je n'ai pas voulu faire la guerre, obligé d'être violent. Je n'ai pas voulu écrire ça, chantronner c'est trop saoulant. Je n'ai pas voulu faire souvenir, on en revient même. De toute façon, t'es pas content, un jour on en revient même. Je n'ai pas voulu faire gamin, regarde. Le monde est grand, je n'ai pas voulu vous taper, compris ce qui dérange. J'ai pas voulu faire la pince, ouais, partout y'a des crevards. Si je te prêterais mon flow, je passerai le reprendre plus tard. Je n'ai pas voulu faire le bâtard, écrire un tas d'insultes, éviter le placard, une belle maison en Côte d'Azur. Je n'ai pas voulu faire comme eux, et toute façon plaire à qui. La vie nous tacle, mon vieux, s'il fera jamais pénalty. J'ai pas voulu faire partir, faire semblant de faire un match. Cousine, on fait un feat, bitch, je te fais un smash. Au pire, tu me fais un stick, ou l'autre, on te fait un scratch. J'arrive les enfumés que les MC placent un patch. J'ai pas voulu faire ce gars, on est déjà les d'origine. J'ai pas voulu faire le gars, trop agressif, j'ai pas voulu faire. Bref, ça fait partie du jeu, mais qui te force personne, vas-y fais ce que tu peux. Yo, je n'ai pas voulu faire ci, je n'ai pas voulu faire ça. Pourquoi je n'ai pas voulu faire ci, dis-moi qui m'aurait laissé le choix. Je n'ai pas voulu faire ci, je n'ai pas voulu faire ça. Je n'ai pas voulu faire ci, dis-moi qui m'aurait laissé le choix. Je n'ai pas voulu faire peur, mais plutôt viser le cœur. Oui, l'homme n'est que dalle, même dans l'apesanteur. Je n'ai pas voulu d'acteur, on n'est même pas dans le film. Je n'ai pas voulu seigneur, mes annonces sont fragiles. Je suis curieux de savoir ce qui fait de toi un si grand expert. Je n'ai pas voulu porter, non y'a pas doué gros. T'as vu ma dégaine cousin, mais les mots pèsent une tonne. Je n'ai pas voulu faire mal, ou taper l'adversaire. Je n'ai pas voulu faire drame, mais plaisir aux anciens. Je n'ai pas voulu faire feu, mais cramer des enceintes. Je n'ai pas voulu, sache-le, dragon est sorti de cette. J'ai trop voulu faire simple, on m'a dit non c'est trop dur de vous tenir au courant, mais sans qu'on s'électrocute. J'ai trop voulu faire simple, simple. Yo, je n'ai pas voulu faire ci, m'énerver. Je n'ai pas voulu faire ça. Pourquoi je n'ai pas voulu faire ci, mais dis-moi qui m'aurait laissé racheter. Je n'ai pas voulu faire ci, je n'ai pas voulu faire ça. Jamais. Je n'ai pas voulu faire ci, mais dis-moi qui m'aurait laissé le choix. M'aurait laissé le choix. M'aurait laissé le choix. M'aurait laissé, m'aurait laissé, m'aurait laissé le choix. Planète Rap, 100% rap français. C'est la nocturne 100% rap français. Grosse dédicace à la crime comme chaque vendredi soir. Pensez au poteau la crime. Maître Gims, petit jaloux, c'est ce qu'on va écouter maintenant. Leslie Jia aussi, le poteau du Nord. Avec ses invités sur le morceau Vegas, ça arrive dans quelques minutes. 100% rap français. Il est minuit, à ma montre, de son tour, comme le monde. Hier soir, j'ai rêvé que je m'appelais la crème, que j'avais tout niqué. Toutes les balles sont dans les barillets. Elle mouille de la chatte et va se marier. Si tu veux acheter, on a tout ce qu'il faut. Tu fais du détail, pourquoi tu fais le gros? Le son par l'antenne, y'a R, y'a R. Le club à l'envers, c'est la guerre, la guerre. One for the money, two for the show. One for the money, two for the show. One for the money, two for the show. Comme les bouteilles de jasin, nos cœurs sont vides. Que de plein de joints de weed. C'est qu'on est les meilleurs. J'ai leur corps déter. J'ai fait des mitrailleurs. On fait des love. A pu savoir où les mettre. On est tous un peu comme Pablo. On est tous mecs d'un CD. Ton CD. J'suis dans la boîte, sur plein de bouteilles. Sa mère l'oseille, on se tue pour elle. J'regarde le ciel, complètement bourré. C'est un du match, j'ai des lits sur le sel. Bon, pas le monde. Comme les bouteilles de jasin, nos cœurs sont vides. Et de plein de joints de weed. Un million de

Il reste quelques résistants, y'a pas Juan. Et les vrais nous reconnaissent comme les premières notes de Shook Ones. Vegas, on des ouf de bitches. De Yuva avec Delia sans tout savoir quoi en faire. C'est qu'on réussit l'enfer, ce qu'ils appellent ville-lumière. Poche dans les ténèbres, c'est pas la mec qui s'y prend, rien que des luminaires. Tape bien de la ville minière, avec la Sheheda de fresh talent. Au bout des lèvres, je marche seul dans la sombre vallée de la mort qui souffle comme des bougies d'anniversaire. Alors la course aux richesses est devenue mon seul adversaire. Parler sans conviction, c'est comme rapper sans thème. Vaut mieux crever d'une leçon que d'en vivre une centaine. Tu peux te vanter que la rue t'a enfanté, mais Lucifer trinquera ta santé. On a nos munitions, tire à l'unisson. Fais kiffer nos petits sons, s'en fout qui sont. Mon 8 en va te terrasser. Appelle-moi Black Tit en cuirassé. Planète Rap, 100% rap français. Sadek dans la nocturne. Roulette russe 5. C'est la roulette russe 5. Là j'ai sorti l'extingue. Tu peux prévenir tes zincs. C'est la roulette russe 5. C'est la roulette. C'est la roulette, c'est la roulette russe 5. L'Assa sur l'Assa, la fine équipe plus appréciée que le Barça. Quand ils doivent aller mettre un Asba, mes roses font la coupe à José Garcia. Nique les réseaux sociaux, c'est pas les chaînes d'Instagram qui peuvent nous tenir en laisse. Et je vais te confier un secret, celui qui commande bas c'est pas celui qui baisse. Ils prennent du LSD, ils méritent pas le RESPECT. Ils sont le TFC, nous le PSG. Motherfucking 9-3 comme Serge Aurier. Oh yeah, Popeye connaît pas la flemme. Des poussées, des billets cultivant la haine. J'sais qu'ils attendent mon album dans ta ville. Plus qu'Halloween, chez les pédophiles. Nous c'est caviar, champagne, ruine, arrêt, macaron. Silencieux, on fait parler l'oseille. T'as 35 piges, t'es encore chez tes darons. Slama, toi tu me donnes des conseils. Quand c'est moi qui appelle, il décroche. Qualité, quantité, qualité, boche. Ce que t'as fait dans le mois, sur la tête des gosses, c'est pas l'argent de poche de mes mioches. T'es pas préparé, la guerre c'est tout un art. Je me marre, parce que je les ai largués dès le départ. Je démarre, le temps que tu démarres. Je me gare, le temps que tu te gares. Je me barre, fucking banlieusard. Ouais, les arabes et les noirs. Et les partout qui traînent avec nous le soir, très tard. Ça se lit dans nos regards. On n'est plus des tétards, on a quitté notre nénuphar. Ça se lit dans nos regards, on n'est plus des tétards, on a quitté notre nénuphar. Ça se lit dans nos regards, on n'est plus des tétards, on a quitté notre nénuphar. Nous c'est fucking banlieusards, ouais les arabes et les noirs. Et les babtous qui traînent avec nous le soir, très tard. Ça se lit dans nos regards, on n'est plus des tétards, on a quitté notre nénuphar. Ça se lit dans nos regards, je crois que ça se lit dans nos regards. Ouais ça se lit dans nos regards, on n'est plus des tétards, on a quitté notre nénuphar, très tard. On a plus les phares jaunes. Ouais, on a quitté le nénuphar. On n'a pas joué de rôle. Tous les soirs, on est rentré tard. Ce que tu dis, on l'a vu, on le sait. On le vit, on le fait. Trop tard pour s'excuser. Je sais que je vais me faire allumer. Le CZ me fera des bisous. La rue marchera en Jimmy-Sou. Mon verre pour ce qu'elle a pris. Le 9-3 pleure encore bigou. On régale notre sort. Je ne ressens rien. Plus je vis, plus je suis mort. La faucheuse apparaît dans le rétro. Trop gourmand pour reprendre le métro. Dans le comico, y'a mes photos. Genre du comico, plus de poteau. Souffrir pour être beau, je dois être Kitoko. Laver ma fumée, fume des dos en solo. Je vide mon verre et je me fous sur la moto. Sur la tête des casques, je te raterai pas. J'étais levé tôt. Banlieusard, ouais les arabes et les noirs. Et les partout qui traînent avec nous le soir, très tard. Ça se lit dans nos regards, on n'est plus des tétards. On a quitté notre nénuphar. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. C'est la nocturne maintenant avec Mala et Diamant Noir dans la nocturne. 100% rap français. Collect that much track. cette planète rap. La nocturne. Ce vrai beurre. Pas exactement le genre idéal. On m'appelle Luc Bresson, nouveau genre cinéaste. Les gens disent que quand il est hâle, il attendrit les femmes avec le genre des incidents. Il comprend qu'il brandit les armes. Paraît aussi qu'il enquille des quantités quand il pédale avec des grandes idées. Semblent germées de sa glande pinéale. Les autres qu'on a rempli mes phases. Vu que j'ai pas de doctorat, mais j'remplis déjà des amphithéâtres. Je suis connecté sur la Riviera. Si t'as besoin de plans qui dépannent, j'ai des gaves à anti-bécane. Qu'il livre Marseille, Toulon, anti-bécane. Plavo dans le showbiz et dans l'illégal. J'aime les gens qui portent leurs couilles, pas les gens qui les casse. Dis-moi à quoi t'ont servi tes années de fac. Si t'as perdu tes facultés lorsqu'il fallait se battre, hein. Je les laisse clouer dans les salles de spectacle. Je les fais chier genre la chiasse quand y'a pas de mec t'as. Toutes ces salles au-dessus. Je suis comme le toit d'un vieux bâtiment. Je peux leur tomber dessus à tout moment. Et personne ne peut dire que je ne suis pas au-dessus. Après le rap, je m'attaque aux salles obscures. Zéro intermédiaire, seuls mes frérots gèrent mes dièses. Le textile et la réal. Je mêle le mercantile et l'agréable. Comme lunatique à l'époque, je suis paré pour tout. Je délivre la BO de nos vies, préparé pour nous. Je lis pas de mon rival, il m'arrive à la cheville. Que mes idoles soient mes rivaux, ouais, c'est ça ma cible. Bresson à la Anakin, je traîne avec des raps à sec. Qui t'assassinerait pour pas le dixième de ta SACEM. On soigne avec des cataplasmes, on s'attaque à ta place assise. On se déplace à 10 comme les gars de la Savine. Ils m'ont pris en grippe, savent pas que je suis plus vicieux que le cancer. Pour plus qu'ils ferment l'œil, je vais leur faire concierge les paupières. Je viens des zones côtières, faites attention à chaque chanson. Mon ascension, j'en suis plutôt fier, mais j'en suis côtière. Malin et vicieux comme le plus petit des Dalton. Plus de phases en inverse qu'ils n'en ont dans leurs albums. Burr Bigo Dean Burr Bigo Luc Bresson là dans la nocturne. Planète rap 100% rap français. Pompe Funèbre maintenant dans la nocturne. AZL. J'arrache tous mes disques en guise de la méguisée dans ton cache-cou. J'suis azelé, ton bras c'est fils de l'âge, t'es sale bracelet. Star céleste, cette année pour finir que j'viens vous harceler. On vient casser des bouches même si c'est parsemé. J'ai une tèche, dans la tête avec mes galcénés. On est des terres, on a la pêche, ils ont la larmonnée. Une spéciale pour sommet, semblable à carceler. J'suis azelé, arrête tes faces à deux balles, négro garde-les. J'suis affamé. La concurrence le ressent, ils sont affolés. Pour ne pas voler, on m'a mis du plomb dans l'aile, pourtant j'ai charbonné. Mon statut, je n'ai pas volé. Je rapporte tous mes semblables derrière les barbelés. Comme d'hab, on arrive énervé comme d'hab. Je suis condamné, alors ça, tu sales les rafales comme d'hab. Je bombarde, toi tu te rabats sur le côté comme d'hab. Ils nous ont pas vu venir, non. Sont choqués maintenant, veulent investir dans l'avenir, non. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'on vienne les punir, ah. Tu veux pas plutôt me la tenir? J'en ai rien à foutre, je m'abats sur la prod comme dans la forêt la foot, man. N'ayez aucun doute, pas un jeu mais je rentre dans la raquette au jour des coups, man. La radio m'a dégoûté, mais soldats m'ont dit de découper, ah. Si tu veux prendre ton bif, faut pas les louper, man. C'est pour ça qu'à chaque tir faudra en shooter, ah. Ne te méprends pas, personne ne t'aime, ils veulent tous gratter ta part. Ton flow, ton style, la yaska dans ton parc. Ta gauve, même la clé de ton appart, hein. Avant de tous les boire, faut qu'ils fondent comme des sangoumets. Si on vise ton corps, et que t'as cette tombe, on verra que le sang coulait. Comme d'hab, ils sont tous affolés comme d'hab. Pour les rafaler, j'ai pas besoin de port d'armes. Cette fausse scène qu'on retrouve à ton corps sale. J'suis azelé, arrête tes faces à deux balles, négro garde-les. J'suis affamé, la concurrence le ressent, ils sont affolés. Pour ne pas voler, on m'a mis du plomb dans l'aile, pourtant j'ai charbonné. Mon statut, je l'ai pas volé, j'rapporte tous mes semblables derrière les barbelés. Comme d'hab, on arrive énervé comme d'hab. J'suis condamné, alors ça tu salais les rafales comme d'hab. J'bombarde.

t'étais pas là quand la Hesse m'a dit vas-y mets-toi là petit tu vois les toilettes qui sont là-bas dépêche-toi nettoyer l'état ma carna y a eu vice de procédure Jackie Bliss veut nous séduire je vois que vise et oser dur quoi qu'on dise on nous bloque nos potes de Ben et Cop mais si je trouvais le proc les cops trouveraient le Broly qui veulent nous faire bouffer des froliques on va leur faire bouffer les chroniques on est siffma comme les alcooliques ou les doses que les acrolytes mais laisse-moi monter mon comité avec deux trois acolytes que je puisse lutter contre l'autorité comme Tigan Jaffa Coli mais vise les dégâts qu'on pourrait faire si c'était légal les pédophiles je dirais pas je me contenterais de viser les cannes l'homme me fout cafard c'est y va un coup placard quand on manque de sous ça tarde donc on pue les coups bâtard ça sent la douille là-bas je crois que ça va passer sous la table c'est qui te l'ont mis si toutes ces dingueries ça te fait pas peur l'homme me fout cafard c'est y va un coup placard quand on manque de sous ça tarde donc on pue les coups bâtard ça sent la douille là-bas je crois que ça va passer sous la table c'est que t'es vraiment con si toutes ces dingueries ça te fait pas peur arrive y'en a qui vivent dans des favelas, qui versera la mer mais trouvent la mort pour des favelas. J'suis qu'un Sénégalais qui a l'air de traîner des années de galère. Ça, satan et carrière dans son, moi j'touche jamais de salaire. Pourtant le pitch le salit, c'est lourd. Mais j'ai compris qu'il suffit pas de venir et dire salut, c'est nous. J'ai trop de collègues en colère, qu'ont connu trop tôt l'herbe, qu'ont pas de dollars, mais les douleurs des coupes, des connards, leur colère, tu sais. De qui je parle de notre police qui croit pouvoir posséder les rues un peu comme au Monopoly. Du genre, ils ont découvert un nouveau colis. Encore un coup monté par l'État, faut pas croire tout ce qu'on lit. Hey, j'en place une pour tous les enfants des squads qui cassent, cadets, ça sans fin. Et pour tous les mecs qui s'enfoncent dans la merde et lancent des SOS en vain. Harry, Harry, va faire un tour dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux. Tu vas vite te dire, j'aurais dû remercier le très haut plus tôt. Putain, ça fouette la faillite, on est loin des strass et des paillettes. Tu me comprends pas mec, moi je vais laisser ma trace et tailler. C'est pour ça que j'ai pas le temps de bailler. Il me faut le disque, le cristal avant de rappeler l'intérim et leur dire que je suis hoche pour passer le balai. Je veux une baraque au Galsen. La vie que je mène ici n'est pas saine. J'attends toujours ma sasem. Mais je peux dire que les poches de mon bassin. Je me mange des couteaux dans le dos. Maintenant je sors plus sans le dos. La jalousie, l'œil peuvent être plus dangereux que deux tueurs en moto. J'ai fait le tour du périphérique. J'ai vécu mille vérifs. En gros, je suis qu'un parigo gris et grincheux que le manque de bifirite. Mais soumis sous les ordres de celui qui s'y le veut. Peut tout soulever, seul et qui sait soulager mon seume. Je prétends pas posséder des armes, je manifeste pas pour les arbres. J'écris juste des couplets lourds dans l'espoir de concurrencer les sables. Mais dehors c'est au sabre que les petits gagnent leur argent sable. Ils ont buté le marchand de sable et ne tirent pas que dans des balles en sable. Guerre civile et massacre, l'homme est cap des pires dingueries. Dire que Dieu pourrait envoyer un ange qui détruirait tout d'un cri. Mais la justice c'est pas son fort, ce qui compte pour lui c'est le confort. Capable de remplir son frère pour vider son coffre fort. Complexe et frustré, instable et dépressif. Capable de stèche par la fenêtre quand son capital le rétrécit. Drogue dure en guise de calmant, suicide pour les plus atteints. Le pire c'est que ces cas sont rarement les cas les plus à plaindre. Donc qui sont ceux qui souffrent et qui sont ceux qui font semblant. Regarde-moi dans le blanc des yeux, je rame et je te le dis sans gants. L'homme me fout, cafard c'est y va un coup. Placard quand on manque de sous, ça tarde donc on pue les coups. Bâtard, ça sent la douille là-bas, je crois que ça va passer sous la table. C'est qui te l'ont mis si toutes ces dingueries ça te fait pas peur. L'homme me fout, cafard c'est y va un coup. Placard quand on manque de sous, ça tarde donc on pue les coups. Bâtard, ça sent la douille là-bas, je crois que ça va passer sous la table. C'est que t'es vraiment con si toutes ces dingueries ça te fait pas peur. La Planète Rap Nocturne sur Skyrock. Nocturne. Session classique, Carlito, la rue cause. Je suis en état de choc, les années me stop, je passe ma route. Doute de ton pouvoir, tu donnes pouvoir à tes doutes. Ta liberté au parloir, tu seras toujours concerné. Quand tu penses à ton futur, tu n'y penses pas qu'à moitié. Depuis maintenant toujours je ris, j'envie les rois. J'ai toujours vu les riches, toujours plus riches que moi. On m'avait promis au bronze, mais on veut briller comme l'or. Le meilleur dans ce que tu fais jusqu'à la fin de ta vie. J'ai des trésors de souffrance, la réussite est d'esprit. Si t'as grandi dans la zone, tu sais faire de l'argent bêtement. Mention bêtement, apprends à agir sûrement. Le sens du partage, ne jamais lâcher l'affaire. Depuis le temps, on me demande où en sont mes affaires. Si je rappe ici, c'est pour mes potes, des vrais de vrais. On se la joue artiste parce que la vie c'est compliqué, gros. La rue cause, la comme école cause. Persis cause, de tout ce que de moi je te propose. J'prends ma pause, j'prends ma pause devant de l'esprit. Tu répètes large comme un braqueur de vie. La rue cause, la comme école cause. Persis cause, de tout ce que de moi je te propose. J'prends ma pause, j'prends ma pause devant de l'esprit. Tu

C'est la fin de la Nocturne 100% rap français à l'instant. La Nocturne et le combat continue 3 de Kerry James. Petite session classique, c'est vrai, pour finir. Allez, on en fera des plus grandes la prochaine fois. Merci à vous tous d'avoir suivi la Nocturne. Prochaine Nocturne dans une semaine, lundi 20h-21h. Loupez pas non plus le Planète Rap avec Monsieur Oxmo Puccino qui débarque dans Planète Rap. C'est tous les lundis, c'est toutes les soirs de la semaine, pardon, et à partir de lundi entre 20 et 21. Bonne nuit à vous tous, Fabule est là, au contrôle. C'est parti, coup d'envoi de la suite du son rap R&B non-stop. Ciao. Skyrock Radio Station. Rap, rap, rap and R&B. Non-stop.